ladies and gentlemen. It's the Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups. Et dernière d'ailleurs, et je disais oui, on est dans la quotidienne, la dernière quotidienne de 18h à 19h sur le 107FM. Bonsoir les Vosges, bonsoir l'Alsace qui nous écoute peut-être pour cette dernière édition bien spéciale parce qu'en effet, je l'avais annoncé sur la page Facebook, j'ai pas trop dit, mais en effet c'est mon dernier jour ici à Radio Gamozo. Et pour fêter ça, on a réuni un petit peu de monde et d'ailleurs qui veut joindre à nous est le bienvenu. Et en attendant, on a Marion qui est avec nous. Bonsoir Marion. Bonsoir, j'allais dire bonjour, mais j'ai pas l'habitude. Alors en effet, t'as pas l'habitude. Marion, animatrice de la quotidienne du matin de 8h30 à 9h. À côté, il y a Cosmos. Bonsoir Cosmos. Bonsoir. Cosmos qu'on retrouvera le 5 janvier ici aussi pour notre premier samedi musical. N'hésitez pas à vous manifester si vous voulez plus d'informations. Puis ensuite, face à moi, j'ai Mika, comme d'habitude que j'ai pas besoin de présenter vu que t'es tout le temps dans mes émissions. Bonsoir Mika. Salut. À côté de Mika, il y a le papa de Cosmos qui est avec nous ce soir. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Et enfin, notre responsable d'antenne préféré qui est là depuis je sais pas combien de temps, comme Mika aussi, deux piliers de la radio, Marcus. Bonsoir Marcus. Eh ben, bonsoir tout le monde. Alors, si on est avec tout ce petit monde ce soir, c'est pour faire une émission toute convivialité, en toute bonne humeur, en toute improvisation, je vous avoue, j'ai pas préparé grand-chose. Mais pour faire un petit moment festif entre nous, vu qu'après tout, c'est la dernière de l'Heure des Loups. Et oui, ça, c'est vraiment la dernière de l'Heure des Loups. Vous allez sûrement m'entendre encore à la radio, mais ce sera beaucoup moins fréquent. Je sais pas trop par où commencer. Moi, je sais. Vas-y, je t'en prie, Mika. On veut des anecdotes sur toutes ces émissions, l'heure des loups. Ou peut-être comment ça a commencé. Déjà, oui. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé du début de mon parcours ici. Et bien, j'ai un dossier. J'ai un dossier, vu que la première fois que je suis venue, c'était dans ton émission, Mika. C'était le 8 avril 2016 pour le portrait. Je sais que tu t'en souviens très très bien. Et ce jour-là, un peu Alzheimer, Mika. Oui, mais quand il veut, il peut. Ça, je le sais. On le sait très, très bien. On le sait mieux que personne. Ah oui, en effet, l'Alsace nous écoute. Elle vient de confirmer sa présence. Mais en attendant, on s'écoute le petit extrait de ma toute première apparition à la radio. Avez-vous suivi l'émission d'hier consacrée à Gilles Laporte? Ce soir, il va être encore question de mots de cette jolie langue qui est la nôtre, la langue française. Elle sera parlée par, entre autres, Michel Grassler, Lou Tinel, Maggie Louis et Vincent Decombis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mika. J'en profite, puisqu'on dit bonsoir, que cette émission est en direct en ce vendredi 8 avril entre 18h et 19h et elle sera rediffusée demain matin à 6h30. Et voilà, ça c'était ma toute première apparition à la radio et en effet Marion, elle a eu la remarque qui tue. Tu peux répéter pour les auditeurs? Le petit bonsoir, c'est si on tend pas l'oreille, on n'entend pas. Ah, et pourtant j'ai dû l'augmenter pour qu'il soit un minimum audible. Voilà, c'est de ma faute, j'avais pas assez réglé ton micro. Non, je m'en excuse. Je pense que j'étais surtout extrêmement timide pour cette fois-là. C'est vrai que tu m'avais invité avec... Évitez de m'envoyer des SMS, s'il vous plaît. J'essaie de me concentrer. Ouais, en même temps, t'as prévenu les gens, donc après... Oui, c'est vrai que j'ai prévenu les gens. Vous pouvez aussi, c'est vrai, je le dis, alors venir nous voir au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Miremont, nous envoyer un petit message sur la page Facebook. J'essaie de suivre, de tout faire en même temps. Ou sinon, passer un coup de fil au 03 29 62 40 40. Et on se fera un plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, à ce propos... Il y avait aussi une autre anecdote, ça que Mika, je crois Marcus le sait peut-être, ça date aussi. J'ai essayé, quand je suis arrivée, hein, les choses se sont faites d'une certaine manière, mais c'est vrai que dire le numéro comme ça, ça s'est pas fait tout seul. Ça n'est pas compliqué. Eh non, et pourtant, tu vas voir, j'ai galéré. La culture, en voilà un sujet bien vaste qui peut sembler rébarbatif, hein. Eh bien, je relève le défi de vous proposer un tour de table culturel vivant et interactif avec plusieurs invités dans mon émission nommée Tour de Culture. Ils seront présentés des films, livres, albums musicaux, personnages, etc. au choix des invités divers et variés. Rendez-vous un mercredi par mois à 14h en alternance avec les trésors du professeur Lou. Et si le cœur vous en dit de participer, vous pouvez me contacter par téléphone au 03 29 64 40 40. Non, merde. 62. Voilà, ça c'était une intervention de Geoffrey qui apparaît dans encore un ou deux petits bêtisiers. Mais voilà, ça s'est pas toujours fait tout seul pour réciter le numéro comme je le fais maintenant si bien. Mais voilà, et on peut même recommencer depuis le début, vu que bon, j'ai cité le numéro comme ça, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à tout moment. Et c'est vrai, Mika, comment ça s'était passé pour toi, ce premier portrait avec moi? Tu ne me connaissais pas du tout. Moi, ce que je trouve intéressant, et ça peut parler à pas mal d'auditeurs, c'est que tu as osé venir en fin d'émission me demander si nous avions des interventions littéraires. Je t'ai répondu qu'il y en avait juste une de Dominique, hein, j'ai aimé, je vous le lis, et toi tu proposais de faire quelque chose peut-être de différent de ce que proposait Dominique, et on peut dire même complémentaire. Et nous, comme on est très réactifs ici même, eh bien, on t'a donné tout de suite la possibilité, et peu de jours, mais quelques jours après, tu étais ici pour enregistrer ta première chronique qui était déjà écrite, puisque tu écrivais toi-même pour toi et je crois aussi pour une chaîne YouTube. Je voulais à ce moment-là créer une chaîne YouTube. En effet, tu te souviens très très bien. Chaîne YouTube qui d'ailleurs a disparu dans les entres du chaos, comme beaucoup de choses que je suis capable d'entreprendre et d'oublier. Mais bon, ça, je pense que c'est le propre de l'humain. Mais en effet, Marcus était là aussi. Est-ce que vous vous souvenez aussi de la première chronique que j'ai faite ici ? En tant que bénévole, bien sûr, alors, parce que j'ai un sacré parcours ici. Moi, j'ai toujours du mal. Tu t'en souviens, toi, Cus ? Non, honnêtement, non. C'est le sujet que tu demandes ? Oui. Moi, je le sais, le sujet, le problème, c'est comme les titres. Je sais, alors, il y a Matin, et c'est un écrivain espagnol. Ouais. Et je sais à peu près l'histoire. Que je ne vais pas vous raconter, ça serait trop long. Ça, je parie parce que tu l'as oublié. Non, pas du tout. Je sais qu'il s'agit de deux personnages. Oui. Vas-y, dis-nous le titre, s'il te plaît. C'est le deuxième matin du monde de Manuel de Pedrolo, si je ne me trompe pas. Eh oui, et l'histoire est intéressante, n'est-ce pas ? Dis, c'est pas moi qui étais censée te poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire. Bon, si tu te souviens plus, mais c'est pas grave, Alzheimer est passé par là. C'est le nom des deux personnages que je me rappelle plus, cet homme et cette femme. Non, même pas. C'est une adolescente et un jeune garçon qui, vivent sur Terre, oui. Hein, mais ça, c'est normal. La planète est victime d'une attaque d'extraterrestres qui fait que tous les êtres humains meurent, et même tous les mammifères. Alors, pourquoi eux ont survécu à ce moment-là ? Ils étaient dans l'eau. En effet, le petit garçon Didac avait été jeté dans l'eau d'un barrage après avoir été harcelé par des jeunes garçons. Tiens, d'ailleurs, petit parallèle à Cosmos, parce que lui était noir. Ah d'accord. Et Alba est venue à ses rescousses et quand ils sont sortis de l'eau, tout le monde était mort. C'était très très difficile, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer à vivre, de construire leur vie en tant que telle. Et c'est vrai que c'est une chronique que j'avais déjà prévue depuis longtemps, que je voulais faire sur ma chaîne YouTube. Tu t'en souviens très très bien. Oui, et d'autant plus que j'avais fait des recherches et j'avais trouvé très peu de choses. Et je m'étais dit, donc c'était plutôt balèze pour une première chronique de proposer un roman qui était peu connu au final, puisque je te dis, en recherchant sur Internet, on trouvait très peu. Oui, mais d'ailleurs, j'en viens à ma question, enfin à une question qui me vient, que je peux peut-être en profiter pour vous poser. Qu'est-ce qui vous a amené à la radio pour la première fois? Alors moi, c'était l'atelier d'écriture et après, je voulais faire des chroniques littéraires. Marion, il en était quoi pour toi? Comment t'as atterri ici? Ah bah moi, c'était l'offre d'emploi de secrétaire, moi. Ah oui, t'étais là pour un boulot et maintenant, t'as atterri en quotidienne, en matinale. Bah c'était en fait, la secrétaire doit faire une émission. Oui. En fait, ou une petite chronique, je sais plus comment c'était à l'époque. Oui, c'est une émission. Et donc du coup, c'est pour ça que bah qu'il y a l'émission, mais il y a mon boulot de secrétaire aussi derrière. Et t'y as pris goût. Comment? T'y as pris goût. Ouais, j'ai chopé le virus. Mais ça fait quoi, 7-8 ans que t'es là, non? 8. 8, ah bah dis donc, le temps défile. Toi, Cosmos, bon, je pense que tout le monde sait comment t'as atterri ici. Bah c'est grâce à toi que je suis atterri ici, hein. En effet, je t'ai fait venir pour ton album Plus que des paroles, qu'on écoutera peut-être courant de l'émission. Mika, toi, dis-moi, comment t'es atterri ici à Radio Gémozo? Oula, mais je sais pas, ça va pas suffire. J'ai déjà pas mal parlé. Non, bah, vite fait, c'était émission, parce que là aussi, hein, la force de Radio Gémozo, les partenariats notamment, avec des associations d'insertion, par exemple, Agassi, même avant, c'était... je ne sais même plus le nom de l'association. Il y avait CTPS aussi. Non, oui, mais là, ce n'était pas le cas. En tout cas, c'était une émission où on était tous, bah, comme vous connaissez Boomerang maintenant, et avec des personnes venues d'horizons divers. Et ensuite, bah, un peu comme toi, j'ai demandé aux personnes en place à l'époque si je pouvais avoir une chronique, puis une émission bénévolement, et ensuite, premier contrat. Premier contrat, c'est comme ça que tu es venu là. Bon, Joachim, pas besoin de le dire. Hein. C'est à cause de moi qu'il est là. Hein. Oui, justement. Voilà, j'accompagne mon fils, donc c'est un petit peu fortuitement que je me suis retrouvé derrière un micro. Et enfin, Marcus. Pour du travail, tout simplement, au départ. Hein. Moi, je connaissais, vous ne l'avez pas connu puisqu'il est décédé maintenant, mais le Prési, quoi, qui était un de mes potes. Mais je n'ai pas été pistonné tout de même. Il y a quand même une super anecdote pour ton arrivée ici. Hein. Il faut que tu la racontes. Oui, donc à l'époque, on faisait des bouts d'essai quand on se présentait à un poste. Donc on faisait un quart d'heure, 20 minutes d'essai. Quoi. Et donc j'avais glissé un morceau de Joe Jackson. Voilà, et le président de l'époque, Philippe, dit « Ah, mais c'est un gars comme ça qu'il nous faut. Lui, au moins, il passe de l'Asie, qu'il connaît, quoi, machin. » Ouais, bah nickel, bien, bon. Bref, on sort de l'entretien et tout, on discute un peu, il soulève sa chemise, il montre un petit tatouage Joe Jackson, on prend pas. J'ai marqué des points. J'ai été pris. Et oui, ça fait longtemps que tu es là, ça fait à peu près 22 ans de manière un petit peu décousue, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Ouais, donc presque, depuis que je suis toute petite, littéralement, si on peut compter en années loup. 22 ans, 7, 8 ans, Mika 12 ans aussi. Sacré parcours pour tout le monde. Moi, en ce qui concerne, c'est beaucoup plus court, ça fait 2 ans et demi. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Tiens, je disais aux auditeurs qu'ils pouvaient réagir et on a déjà une réaction. On a Christopher Durand que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps pour son livre « Histoire de mon esprit », un recueil de 7 nouvelles qui est peut-être à l'écoute. Mais il dit « Merci Lou pour toutes ces émissions de 18h à 19h. Merci pour ta bonne humeur communicative. Merci pour l'accueil que tu m'as réservé il y a quelques semaines. En un mot, je répète, merci. Merci beaucoup à toi, Christopher. Ça fait vraiment plaisir. » Comme je le disais un petit peu plus tôt, je suis arrivée ici en tant que bénévole au départ, mais les choses ont beaucoup changé. Et j'ai commencé d'ailleurs à faire initialement des chroniques. Mais les chroniques, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait en direct, hein, quelque chose qu'on fait pas de manière aussi spontanée que l'émission que je suis en train de faire. Et je peux vous dire que j'en ai bavé, j'ai trouvé un autre petit enregistrement qui vaut de l'or. Ça va aller? Oui, justement. Celle-là, t'auras pas besoin de la mettre. On s'en rappellera. Non, mais on l'entend pas de là, ou à peine. De quoi? Ce que tu dis. Oui, et j'ai dit on s'en rappellera de celle-là, c'est bon. Non, mais c'est pas ça. Non, je t'avais pas compris. Bon, allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du vendredi matin. Putain, je suis trop blasée. T'es énervée. J'en ai marre. J'ai l'impression que tu veux tous les tuer. Mais attends, je te jure. Ça va être dans le bêtisier. Bon, allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du vendredi matin avec Lou sur Radio Guimauzo 107 FM. Et aujourd'hui, comme c'est le retour des beaux jours, hein, et qui dit retour de beaux jours dit un petit peu changement de mode de vie, je viens vous partager deux, trois petites astuces écolo que j'utilise un petit peu tous les jours et que bah, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours les adopter. Alors avant toute chose, hein, je m'adresse aux filles, hein, juste pour cette astuce-là. Donc mesdames, mesdemoiselles, hein, je ne m'adresse pas que aux femmes. j'en peux plus. Si tu veux vraiment arrêter, arrête. Ça ne sert à rien que tu leur commences 15 fois. Ah, mais j'en ai marre. Je te jure, j'en ai marre. Voilà, comme quoi, faire des chroniques, ce n'était pas tous les jours évident. Hein. J'ai déjà dû recommencer un nombre incalculable de fois. Les billets de sortie aussi, j'ai déjà dû recommencer parfois 4-5 fois. Et je hurlais comme un putois dans le studio. Heureusement que vous ne m'aviez pas entendu. Mais voilà, comme quoi faire des émissions radio, c'est pas tous les jours évident. Surtout dans le format court, on veut être le plus précis, le plus propre possible, comme c'est le cas avec les chroniques. D'ailleurs, vous aussi, vous avez dû avoir certaines pépites aussi au cours de votre carrière radiophonique ici. Ouais, mais c'est bien, elles sont pas dans la bécane. Tu les as pas gardées. Non, c'est comme je racontais en off avec Amika, une fois avec Bruno, c'était bon, il y a... au moins 4 ans, parce que ça passe vite, mais on avait fait différentes spéciales, et il y a une fois, c'était pour Noël, je crois, donc on enregistrait, et on a eu un fou rire, mais phénoménal, et à chaque fois qu'on se regardait, on repartait, et on a mis au moins 5 voire 10 minutes à pouvoir se reprendre, tous les deux, et que le fou rire passe pour reprendre le fil de l'émission, c'est pas forcément évident. Non, en effet, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, j'ai aussi un gros fou rire auquel on a eu droit. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. On va peut-être s'accorder une première pause musicale avec un morceau. Bon, on va un petit peu changer de ton, mais je passe les morceaux qui sont des vrais coups de cœur pour moi. Et là, il s'agit de Pandore que j'ai eu il y a plusieurs semaines par téléphone avec toi, Mika, aussi, pour son album Enfant du vide. Et justement, c'est son morceau Enfant du vide que ces derniers temps j'écoutais et que je connais quasiment par cœur, que j'ai envie de partager avec vous. Il n'est peut-être pas aussi joyeux que le ton de l'émission, mais voilà, c'est la dernière émission, c'est les coups de cœur. Alors c'est Enfant du vide. Enfant du vide, il est l'heure de faire tomber le nihilisme, dur de son trône vainqueur, de ne plus en être le prisme. Tu es liberté dans ton cœur, parfois c'est vrai un peu le vice. Voilà pourquoi les gens ont peur, car de l'humain ils sont les fils. Albatros planant dans les nuages, traités de fous et mis en cage. Combien de larmes pour leurs erreurs, combien de rires à leur malheur. Faut bousculer le temps du plein, faut rejeter les antirides, sortir les gens de leurs écrans. Faut se lever, enfant du vide, je te connais. Aussi du camp et pris du rire, à qui tu tendais ton carnet, à qui tu crachais ton sourire, à ces blessés qui se croyaient pleins et qui n'étaient qu'à vide, à ces fous qui se croyaient pleins. Tu n'étais qu'un enfant du vide. Je sais mes mots ne changeront rien quand la solitude te guide vers des tableaux parisiens. Je sais le goût du souvenir quand l'injustice semble si grande qu'elle passe quand même inaperçue. Quand on se dit qu'il faut se rendre, quand on se laisse pour vaincu, n'abandonne pas, je t'en supplie, ton âme à ces faussaires de rien. Le monde est mort à ceux qui plient, et il nous faut construire demain. Enfant du vide, il est l'heure de faire tomber le nihilisme, dur de son trône vainqueur, de ne plus en être le prisme. Tu es liberté dans ton cœur, parfois c'est vrai un peu le vice. Voilà pourquoi les gens ont peur, car de l'humain ils sont les fils. Albatros planant dans les nuages, traités de fous et mis en cage. Combien de larmes pour leurs erreurs, combien de rires à leur malheur. Faut bousculer le temps du plein, faut rejeter les antirides, sortir les gens de leurs écrans. Faut se lever, enfant du vide, je te connais. Oser du camp et pris du rire, à qui tu tendais ton carnet, à qui tu crachais ton sourire. Enfant du vide de Pandore, vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Si vous voulez papoter, réagir avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par la page Facebook Radio Gémozo, je lis vos messages autant que possible, ou appeler au 03 29 62 40 40. On en était aux différents parcours et il y en a des choses qui se sont faites. D'ailleurs, le téléphone sonne. Mika, je te passe le relais en attendant de décrocher le téléphone. Ah, c'est, j'adore. Déjà, tu m'as bien fait ça hier soir, c'est-à-dire que hier soir, je me... Je pensais tranquille, j'étais là avec Jean-Nicolas Mathieu, le musicien, et c'était quelqu'un qu'on connaît bien ici, Cheveux au vent, on te salue, fidèle auditeur de Radio Gémozo depuis de nombreuses années, qui débarque dans le studio, et à ce moment-là, donc Lou papote avec lui, et moi, débrouille-toi avec Jean-Nicolas, pour une fois j'avais rien prévu, je me suis trouvé un peu con. Oui, merci d'avoir pris le relais, on a quelqu'un qui est au téléphone avec nous, il s'agit de notre cher président Julien Fernandez, tu es avec nous ce soir Julien? Je suis avec vous, Lou. Oui, contente que tu aies appelé. Bah oui, parce que je pouvais pas passer de voir au studio, donc je me suis dit, allez, on va faire ça en vite fait, en sortant de l'école. Là, je viens de récupérer les enfants, donc je suis en voiture. je vais pas te raconter ma vie, mais voilà, je pouvais pas passer ce soir. C'est pas bien de téléphoner en voiture. Oui, c'est pas bien. je me suis mis au bord de la route, hein, excusez-moi. Non, il y a qui autour de la table? Il y a beaucoup de monde. Il y a Marion, il y a Cosmos, il y a Mika, il y a le papa de Cosmos alias Joachim, il y a Marcus et il y a quelqu'un qui vient de sonner à l'interphone. Donc Marion, on va voir qui c'est. D'accord, donc c'est la soirée des surprises ce oui. soir. Ah oui, soirée surprise, soirée anecdote, parce qu'on en raconte des choses. Hein. J'ai déjà passé quelques extraits de quelques couacs en et hors antenne. Il y en a, franchement, des sacrées pépites. Ah, je me doute. T'as donc annoncé à tous tes auditeurs que tu les quittais ce soir, c'est ça? Ben, j'ai déjà annoncé que je partais, mais j'ai pas encore dit où j'allais atterrir. D'accord. Bon, dans tous les cas, moi, je t'appelais pour un petit message tout bref, pour te dire que, voilà, au nom de la radio, au nom des bénévoles et au nom du conseil d'administration, on te remercie pour tout le boulot que tu fournis quotidiennement depuis pas mal de temps. Alors, j'ai plus en tête depuis quand tu es à la radio. Ouais, je te remercie. C'est, enfin, pour moi, c'était une des personnes que, voilà, sur qui je comptais le plus autour de la table dans mes émissions. C'est pour ça que j'espère quand même que tu viendras le jeudi soir au débat des hauts. Attends, surtout le prochain débat des hauts où il sera question de véganisme. Là, c'est sûr que tu vas compter sur moi. Ça va de soi. Non, mais voilà, donc c'était vraiment pour te remercier et pour insister très, très, très, très très très fort sur le point que voilà, que je te trouve super et que je suis certain que tu feras de super choses dans les années à venir et que je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de ta carrière parce que tu es jeune et tu as encore le temps de découvrir plein de choses et de faire plein de super expériences dans ton super métier qui est le journalisme, l'actu, l'info, l'animation, l'émission, etc. T'as un potentiel énorme et tu peux aller très loin. Ok? Mais président, arrête, tu vas la faire pleurer. Non, mais voilà. Donc, parce que j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, donc il fallait que j'y aille très fort d'un coup, tu vois. Ben, tu as fait fort, c'est le cas de le dire, Julien. Merci beaucoup d'avoir appelé, ça fait plaisir. Voilà. J'embrasse tout le monde dans le studio et à la prochaine. Okay, oui, à la prochaine, Julien. On t'embrasse aussi. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on est toujours à l'antenne, hein. N'hésitez pas à appeler à tout moment. Et on a quelqu'un qui a rejoint le studio qui est avec nous. Il s'agit de Samuel. Bonsoir Samuel. Bonsoir Lou. Alors Samuel, tu es déjà passé dans Boomerang où tu as, je crois, soumis ton projet de Monty Python radiophonique, c'est ça? Oui, mais bon, j'avoue que c'est un peu... J'ai peut-être vu un peu trop. Mais pas du tout, pourquoi? Non, je trouve que tu démarres très fort. Oui, tu peux peut-être raconter ton sketch. Est-ce que d'ailleurs, on a son sketch quelque part dans les dossiers que je puisse le trouver? Il n'est pas passé encore. Ah. Non, il n'est pas encore passé dans animateur parodie. Non, Samuel, parodie. Non, animateur Samuel parodie. Ah oui, en effet, parodie des Jeux Olympiques. On parlait que tu cherches. Petite seconde, juste avant toute chose, on a RMK qui vient de nous laisser un message aussi. Bon courage, Lou, pour la suite et merci de m'avoir invité, RMK. Ça fait vraiment plaisir. Ça y est, la parole est à toi. Le temps que tu cales j'avais envie de dire chronique, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut dévoiler de ce que c'est exactement parce que c'est peut-être mieux de laisser découvrir. c'est plus une parodie, enfin plus un essai, une parodie d'actualité. Et bah, tu sais quoi, on va s'écouter parce que je l'ai déjà trouvé et on se retrouve juste après. Bonjour, si vous avez suivi l'actualité sportive, vous avez découvert que la ville de Calgary a annoncé le 13 novembre dernier le retrait de sa candidature pour accueillir les Jeux Olympiques 2026 à la suite d'un référendum organisé le jour même et où la population a exprimé son opposition au projet. Nous avons appris en exclusivité que Stockholm et Milan Cortina d'Ampezzo ne seront plus seuls en lice pour se disputer l'exclusivité. Il se murmure en effet que Gérard May s'apprêterait à déposer sa candidature et que celle-ci serait la raison majeure de son retrait de la communauté de communes pour conserver l'attractivité en s'entourant de communes plus « bankable ». Une rumeur qui a vivement fait réagir en mairie de Remiremont. Et, comme souvent, la réalité a émergé au hasard d'une conversation avec d'illustres acteurs de la communication dans les limbes d'une obscure soirée alcoolisée dans un bouche de la coquette. C'est bien elle qui souhaite présenter sa candidature. L'information a d'ailleurs été confirmée à demi-mot par Gérard Claudel, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, qui affirme avoir porté le projet devant la Chambre du département où François Venson a manifesté beaucoup d'enthousiasme. Celui-ci a tenu à rassurer la population et exprimer sa volonté de limiter un maximum les coûts en s'appuyant sur les stations de ski existantes et leurs infrastructures pour permettre l'organisation des épreuves de ski alpin, ski de fond, snowboard. D'ailleurs, Épinal pourrait par exemple accueillir les compétitions de patinage artistique, courses sur glace et curling. Si l'information est, bien sûr, à prendre au conditionnel, les élus ont manifesté leur enthousiasme. Le maire de Remiremont a d'ailleurs proposé de convertir la montée du fiscal en piste de bobsleigh si jamais la construction de cette infrastructure s'avérait nécessaire, en précisant que la configuration idéale du site était mise en avant par une inclinaison naturelle qui limiterait au maximum les efforts de construction. Affaire à suivre, car le dossier doit d'abord être examiné au sein du conseil de la communauté de communes. Et Julien Absalon, Steve Chenel, Martin Fourcade ou encore Jason Lamy-Chapuis se sont déclarés prêts à soutenir la candidature. Et voilà, c'était le sketch de Samuel, toujours sur Radio Gémozo. On l'a découvert en live, très très drôle vraiment. C'est prometteur, continue sur cette voie et peut-être que tu auras un parcours comme le nôtre. Oh bah, si je peux déjà essayer d'en faire un deuxième, on verra bien quoi, mais... Moi, j'ai vraiment bien rigolé. Hein. Oui, en effet, t'as entendu rire. On s'est vraiment amusé dans les studios. Comme je disais, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages. Il y a Dominique de J'ai aimé, je vous le lis, qui nous envoie un gros bisou. Cassandra aussi, notre service civique pour à l'écoute des jeunes, qui nous fait aussi à toute l'équipe, un gros bisou. On parlait, je ne sais plus de quoi on parlait, de fou rire, d'anecdotes. Bah oui, de fou rire, tiens. Comme on a eu un fou rire tout à l'heure. Je suis en train de chercher, il est où le morceau? Ah oui, je parie qu'il est là. On a eu un fou rire aussi pour la première de Tour de Culture. Dommage que Gilou ne soit pas là, ou même Dominique, je suis sûre qu'ils s'en souviennent très bien. Et puis bon, je vous laisse avec le couac, mais juste pour vous dire, on l'a enregistré et j'étais pas encore familière avec tous les boutons. Alors j'avais décidé de pas passer les morceaux comme ça en direct. On s'écoute cet extrait et on se retrouve juste après. Non, je l'ai pas en fait, donc on fait une petite pause de 10 secondes. Ah d'accord. Ouais. Le micro était ouvert. C'est enregistré. Qu'est brut. Allô, il faudra faire une petite coupure. Et voilà, Geoffrey qui, dans Tour de Culture, disait « Dans le micro, je peux aller pisser ». Voilà, sacré fou rire. Pourtant, on le voit quand les micros sont verts. Il y a pour ceux qui ne sont jamais venus à la radio, il y a quand même une lumière rouge, oui, qui nous indique que les micros sont ouverts. Donc normalement, quand cette lumière est rouge vive... C'est que les micros sont ouverts, donc on se tait. En effet, et comme je disais dans Tour de Culture, cette première de Tour de Culture, il y avait Gilou, il y avait Dominique, il y avait Malou, il y avait Geoffrey aussi. Et bien quand on parle d'Ilou, Gilou était avec nous par téléphone. Bonsoir Gilou. Bonsoir Lou. Alors, bonsoir à toutes les invités. Salut Gilou. Salut. Oui, parce qu'il y a en effet, il y a Marion, il y a Cosmos, il y a Mika, il y a Joachim, il y a Marcus et il y a Samuel. Et n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, il y a encore à boire et à manger sur la table. Il y a encore de la place. D'accord, alors n'étant pas présent nous ce soir, je voulais te faire un petit coucou, bien sûr. Et puis te souhaiter de bonnes choses pour tes futures activités. Merci. Mais bon, je sais qu'on se retrouvera bien sûr avec nos projets, voilà. Oui, bien sûr. Et puis, ce que je voulais dire aussi, ça a toujours été un plaisir de participer à ton émission Tour de Culture, hein, tu en parlais il y a quelques instants. Et puis, forcément, je ne peux pas résister à dire, tu étais aussi mon petit rayon de soleil dans mes émissions. Oh, merci, ça fait plaisir. Mais tu dis ça parce que je suis blonde, je parie. Mais pas du tout, pas du tout. Non, mais je tenais à te faire ce petit coucou à l'antenne, voilà, c'est toujours été un plaisir, de partager quelques émissions ensemble. Oui. Alors voilà. Bah, écoute, les mouchoirs. Ah ouais, il va falloir bientôt qu'on les ramène, dans tous les cas. De Kleenex. Mais c'est aussi été un plaisir, Gilou, de te recevoir dans Tour de Culture. Mika, ça ira, j'ai aussi des mouchoirs dans mon sac, mais c'est gentil. Oui, on va peut-être les sortir pendant la pause musicale. Un morceau qui fera très plaisir à une personne qui est à cette table. Je n'en dis pas plus. Dans tous les cas, Gilou, oui, merci. C'était aussi un plaisir de t'avoir avec moi dans Tour de Culture, de faire ta technique, ou même d'être avec toi, vu que c'est vrai qu'on travaille pour la team communication, comme on l'a fait dans l'émission du lundi qui sera rediffusée la semaine prochaine, parce que oui, c'est vrai, il y a des émissions qui doivent être rediffusées, et puis voilà, écoute, c'était un plaisir de bosser avec toi, et au plaisir de te retrouver. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, je ne mobilise pas l'antenne, je vous laisse, bonne continuation. Merci. Et puis gros bisous et puis joyeuses fêtes à tout le monde. Oui. Bonne fête. Bonne fête à toi aussi. Merci. Bye bye Gilou. On se retrouvera après un morceau et comme je le disais, ça va faire plaisir à un de nos invités vu qu'il s'agit de Cosmos pour son morceau Le Monde. C'est nous parce qu'après tout, nous à la radio, on fait le monde de la radio. Alors Le Monde, c'est nous de Cosmos. De larmes, il y a toujours de l'espoir, ensemble. écrivons-la, notre histoire. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. History, history, history. History, history, history. History, history, history. C'est une nouvelle history. C'était Le Monde, c'est nous de Cosmos. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure de Loup, spéciale pour mon départ. Et voilà, on s'est écouté un morceau de Cosmos qui est avec nous, vu qu'on a Marion Cosmos, Mika, Joachim, Marcus, pardon, j'ai buté, alors que je te connais depuis le début, et Samuel. Et il y a quelqu'un qui nous a rejoint à l'instant à l'antenne, il s'agit de Cathy. Coucou Cathy! Coucou tout le monde. Salut Cathy. Alors je rappelle rapidement que Cathy, toi tu faisais le 12-13, l'émission du midi, il y a environ deux ans. J'étais en service civique. Tout à fait. Et moi j'appelais un petit peu, voilà, pour te remercier un petit peu de tout ce que tu as fait, hein, parce qu'il faut savoir qu'au début que je suis arrivée, j'ai eu les bons conseils du boss. et toi tu m'as été aussi souvent d'un grand secours. Donc voilà, je voulais quand même le préciser. Et tu parlais aussi des fous rires et moi je crois qu'on a oublié un quand même. Peut-être. Le girl power du matin, où on chante à tue-tête, libéré, délivré dans le studio, par exemple. Oui. En effet, je l'avais oublié celle-là. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Non. Parce que j'ai encore la vidéo, figurez-vous. Non, oh c'est non pas vrai. On la veut. Balance sur la page FB de Radio Gémozo. Non. De toute façon, moi, j'ai plus rien à perdre. Je m'en fous. Ouais, mais moi aussi. Et il y avait un autre bon moment, Cathy, entre vous, c'est-à-dire Lou et Marion. Oui. C'était, moi, j'avais aimé votre chronique sur l'astrologie. Les horoscopes. Ah, les horoscopes. Les horoscopes, ouais. Oui. Et ouais, j'avais bien aimé que vous interveniez dans cette chronique de Lou, j'avais trouvé ça très divertissant. Ouais, franchement, c'est vrai qu'on avait, on avait une super complicité, hein, et voilà, il y avait des choses qu'on faisait ensemble, et voilà, c'est des moments qu'on n'oublie pas, et franchement, ouais, on a passé des bons moments, quoi. En effet. Avec notre petite blonde qui nous disait, qui nous sortait des noms de chanteurs qu'on ne connaissait absolument pas, mais bon, c'était pas grave. Ouais, enfin, hein, tu dis petite, je fais 1m70, j'étais la plus grande des trois. Hein. Oui, j'avoue. Ah, je vais dire petite en âge alors. Oui, en effet, j'étais la plus jeune de l'équipe. Voilà. Bah écoute, moi, Lou, c'était simplement pour te souhaiter une bonne continuation dans ce que tu vas entreprendre, hein. Et puis, voilà, te remercier un petit peu de tout ce que tu as fait, voilà, tout merci. Simplement. Merci, Cathy, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est sincère. Et puis, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Bonne fête aussi, Cathy. À toi aussi. Et puis, je passe vous voir bientôt, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, Cathy, tu peux passer quand tu veux. Ça marche. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, bisous. Cathy. Bisous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Cathy. Alors, c'est vrai, Samuel a posé la question en off. C'est vrai que les auditeurs ne sont pas encore au courant de là où j'atterris. Ah oui, c'est vrai, il est déjà l'heure pour Marion d'y aller. Eh bien. Oui, eh bien. Au revoir, Marion. Oui, eh bien, au revoir, Marion. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on s'écoute un petit morceau. Eh bien, j'avais décidé, je voulais passer un morceau alors d'une chanteuse que j'aurais pas pu interviewer ici, finalement, c'est dommage. Il s'agit de Maud Lubeck pour son album Divine. Ça parle d'une histoire d'amour, parce qu'après tout, la radio ici, en tout cas pour moi, c'était une vraie histoire d'amour. une histoire d'amour que je suis un petit peu triste de quitter d'une certaine manière, mais pour une autre belle aventure, une autre belle histoire d'amour. On en parlera dans quelques instants, mais je choisis le morceau en live parce que c'est vrai que j'ai pas encore choisi lequel on va passer. Oh, la dernière. Je sais, oui, la dernière, qui est mon morceau préféré, qui est aussi une dédicace pour une personne qui m'écoute et qui sait très très bien de qui je parle. Alors ce morceau que t'as encore jamais écouté est pour toi, et on se retrouve juste après. Je ne veux plus d'hiver sans ton regard, plus de maison sans ton bazar. Je ne veux plus de nuit sans tes bras tendres. Je te veux pour ma vie sans plus attendre. Et que tu sois mon dernier pour toi. Et c'était « Dernier amour » de Maud Lubeck. Je suis sûre que la dédicace est arrivée à destination, toujours dans cette émission « L'heure des loups », émission, dernière émission. Et on est avec cette fois Cosmos, Mika, Joachim et Marcus. En effet, Marion et Samuel ont dû partir. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous manifester, à appeler au 03 29 62 40 40 ou à passer par la page Facebook Radio Gemozo pour adresser vos petits messages ou même à passer. On est 8 places de l'hôtel de ville, il y a de la place autour de la table, je compte 2 micros au moins, enfin au moins, à moins qu'on se mette à 2 par micro. Vous inquiétez pas, il y a de la place. Il y a beaucoup de place, il y a encore à boire, il y a encore à manger, alors venez, les portes sont grandes, ouvertes, il suffira juste de sonner en bas. On est toujours avec ce petit monde, mais c'est vrai qu'il y a une question que tout le monde se pose, à laquelle je n'ai pas encore répondu. Cosmos, tu peux la poser ? Oui, qu'est-ce que tu vas devenir après Radio Gemozo ? J'ai trouvé un fantastique carton duquel je suis tombée amoureuse et j'ai décidé de partir, m'installer dedans. Non, je rigole. On a parlé, j'ai passé un morceau, alors... très orienté pour une personne en particulier qui nous écoute. Mais c'est aussi, comme je le disais, la radio, c'est une véritable histoire d'amour. Et s'il y a aussi une discipline de laquelle je suis tombée amoureuse et dans laquelle j'espère évoluer encore longtemps, c'est le journalisme. Et en effet, c'est une très très bonne nouvelle parce que je continue dans le journalisme. J'ai trouvé un autre travail. Et pour cause, je ne serai pas loin du tout vu que c'est moi qui vais occuper la place à Remiremont Info. D'accord. En effet, oui, c'est une bonne nouvelle. Hein, donc, dans tous les cas, je ne serai pas loin du tout. Alors, vous lirez un petit peu plus que ce que j'écris et vous entendrez ma voix un petit peu moins souvent, mais je serai quand même toujours dans le secteur. Mais l'histoire d'amour avec la radio, avec le journalisme, ça n'a pas été de tourpeau, c'est pas venu d'un coup. Et j'ai quand même, même si... Il y a des parcours différents, il y a aussi des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi avec la radio, mais je pense que c'est le moment de faire un petit topo sur comment j'ai évolué ici, n'est-ce pas Mika ? J'ai pas compris, pardon. Je suis un peu sourd, justement, la radio depuis 12 ans, ça rend sourd. Et y a pas, enfin, je sais ce qu'on dit sur ce qui rend sourd, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est la radio et les casques. J'imagine, il y a beaucoup de monde qui a dû hurler dans les micros, parce que c'est vrai que quand ça sature, il faut le dire, tant que j'y pense, tant que ça sature dans les micros, ça va dans le casque, ça fait très mal aux oreilles. Alors évitez de hurler dans un micro, ça fait très, très, très mal. Mais bon, après, ça arrive, c'est les aléas du direct. Au lieu de crier dans le micro, nous, on se contente de faire une grimace. Mais nos tympans sont pas très, très contents. Alors, je parlais un petit peu de mon parcours, de mon arrivée ici. Je ne sais pas si toi ou si Marcus a envie un petit peu d'en parler ou de me lancer un petit peu parce que j'ai pas envie de faire un monologue. C'est dommage, ce serait triste. Je m'en souviens plus de ton arrivée ici. Bien sûr que si, je l'ai passé en tout début d'émission. C'est vrai. Et puis bon, on a parlé un petit peu de la première chronique, je m'en souviens bien, puisque c'était moi qui étais en face de toi qui l'ai enregistré. Oui. Et c'est vrai que c'était rigolo et je trouve ça magique, on en revient à cet outil radio qui est fabuleux. Et on a différentes émissions ici qui le prouvent, notamment avec l'IME de Saint-Amé, également la masse du Tauli. Dont certains font de la radio depuis 18 ans. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'émission Boomerang que j'évoquais en début d'émission par rapport à mon parcours, qui peut expliquer le fait que, déjà, c'est pas réservé à certains, la radio peut être pour tous, d'autant plus chez nous, on donne la parole à tous, et c'est en plus de l'outil communication, ça peut être aussi quelque chose qui va aider pour le développement personnel, la reprise de confiance en soi, etc. On a pas mal de preuves de cela ici. Et ce qui est beau, c'est de voir l'évolution, et notamment au niveau de la voix, au niveau de l'assurance qu'on peut avoir avec elle, ou en tout cas au début, tu nous l'as prouvé tout à l'heure, avec ton premier bonjour ici même. Ah oui, ma première, c'était pour mon premier jingle pour Tour de Culture. Et puis même ici, la première fois, donc, tu le disais, avec l'atelier d'écriture du Tio. Ah oui. Et c'est vrai que c'était, vous l'avez entendu, hein, c'était timide, c'était menu, fluet. Mais après, tu as pris de la force, de la vigueur. Vous pouvez l'entendre hein, jusqu'à présent, tous les soirs, de 10h à 19h. C'est la voix mue, totalement. Oui, beaucoup. Et puis, faut être honnête, elle a pris de la bouteille, elle vieillit. Hein. Comment je dois apprendre ça, tiens? Mais c'est vrai que j'ai un certain parcours. Hein, je résume vite fait. Je suis arrivée ici en tant que bénévole, puis je suis venue ici en tant que service civique. J'ai fait mon service ici pendant 6 mois, puis j'ai été re-bénévole et j'ai réatterri ici. Mais c'est vrai que mon parcours de base, il n'est pas de tout repos. Et Mika, tu m'avais posé la question dans ton émission le 8 avril 2016 dans le portrait. Magnéto. Et vous autres autour de la table, où tu y as participé ? Oui, ça va faire un an bientôt que je vais à l'atelier d'écriture. C'est quand j'ai terminé mes études et que je suis venue m'installer au TIO. J'ai cherché une activité. Comme j'étais inscrite à la médiathèque, j'ai eu... on est convoqué via... Ou on est invité via boîte mail. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai essayé et ça m'a beaucoup plu. Et quelles études, si ce n'est pas indiscret, tu as fait? Est-ce que justement c'était des études de lettres? Non, j'ai une licence d'allemand en poche. Ah mais c'est aussi une jolie langue. En effet, comme tu le disais, j'en menais pas large, même quand il s'agit de parler, bon, quoique, hein, les couacs, ça arrive à tout moment, même aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, ça va, je me suis pas emmêlé les pinceaux avec ma langue, mais je me suis aussi emmêlé les pinceaux. Alors là, c'est pas moi qui étais à la technique, hein, forcément, c'était la première fois que je suis venue, je savais même pas que j'allais avoir un tel parcours, mais un petit peu plus tard, on parlait de couacs, et il y en a eu des couacs, même dans mes émissions, et j'en ai retrouvé deux pour vous. Ah, on peut dire que c'était drôle et fallait pas avoir peur du stress. On écoute et on en parle juste après. Mais on va s'écouter un autre morceau, cette fois pas de votre album, un morceau que vous m'avez suggéré, qui est un petit peu une inspiration, un morceau que vous aimez bien. Par contre, je vais écorcher le nom parce que c'est pas une langue que je parle. Hein. Niphalo Regen de Asgeir. J'espère que ça a été à peu près. Niphalis Rain. Et c'est un artiste de quelle origine ? Il est islandais. Il est islandais, donc on va s'écouter de la bonne musique islandaise et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Oh mince, j'ai encore fait une bêtise, hein. Ça c'est de pas être doué. C'est les aléas du direct. Voilà, ça c'est quand on se trompe de bouton alors qu'il y a tous les trucs avec les bonnes couleurs. Donc maintenant c'est bon, j'ai le bon bouton, on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. On n'a pas besoin de passer l'extrait en entier, mais vous l'aviez bien compris, c'était avec le groupe John Universe. D'ailleurs, j'adore toujours autant leurs morceaux. Et si vous voulez, il y en a encore quelques autres à vous offrir dans nos studios. N'hésitez pas. Mais voilà, comme je le disais, ça arrivait de se tromper, même pour balancer les pauses musicales. Alors, comme je le disais, il y a tout qui est indiqué avec les couleurs. Mais bon, moi, je suis née avec deux pieds gauches. Forcément, hein, c'était prévisible. D'ailleurs, j'ai même récidivé dans la même édition, dans la même émission. Vous voulez qu'on s'écoute l'extrait ? Non. Bon, je prends ça pour un oui. Alors, deuxième extrait de un autre couac avec toujours John Universe. Et en plus, cette fois, toujours pour balancer la musique, on écoute. On pourrait peut-être écouter The Island. Oui, The Island. Ouais. Donc, écoutez, le deuxième morceau de l'album, on s'écoute ça et on se retrouve juste après pour se dire au revoir sur Radio Gamozo. Oula, qu'est-ce que j'ai pas fait ? J'ai fait une bêtise, je sais pas trop ce qu'il en est. Ah oui, c'est normal, je me suis encore trompée de bouton, voilà. Ça c'est quand on a plusieurs boutons à gérer en même temps, mais c'est bon, j'y arrive. Donc c'est The Island de John Universe. Voilà, comme je le disais, c'était pas forcément de tout repos et ça aurait pu être une source de gros stress, mais je pense que vous l'avez vu, je ne me suis pas laissée débiner. C'est quelque chose qui est quand même assez important, Marcus et Mika peuvent le dire, ne pas se laisser envahir par son stress pour ne pas faire encore plus de bêtises. Oui, bon, enfin bon, il n'y a personne qui est à l'abri d'erreurs, hein. Il n'y a pas de malin. Et puis on peut s'en servir, hein. Je veux dire, c'est toujours pareil, je veux dire, tu peux en plaisanter, tu peux, ça passe tout seul, et puis c'est le côté vivant, enfin, c'est ce qu'on aime ici, hein. On n'aime pas ce qui est formaté, on aime ce qui est vrai, et les erreurs en font partie. Oui, moi je me souviens que j'en ai fait une belle, hein. J'ai dit à Memento Mori, non, ça démarre pas votre truc là, machin et tout, et finalement je m'étais gouré de souris. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct aussi. Comme ça, vous voyez que on est des êtres humains, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, hein, surtout à plus forte raison en direct. Oui, en direct, on fait beaucoup d'erreurs. Hein, ça, Mais c'est pas forcément méchant. J'ai eu quelques expériences. C'est vrai qu'en direct, c'est pas évident de tenir la corde, on va dire. Oui, c'est pas forcément évident de ne pas se laisser envahir par son stress. C'est dommage, j'arrivais pas à retrouver la première émission que j'ai faite, la première tour de culture, la première heure des loups que j'ai fait avec Sandrine sans Scholar Time, du moins j'ai pas pu la télécharger et la bidouiller depuis chez moi, mais je me souviens que j'en menais, mais alors pas large du tout. Je sais pas si Marcus ou Mika se souviennent un temps soit peu. Si, je l'avais écouté, moi. J'avais écouté ta première semaine, hein, parce que comme j'aime bien voir comment les gens vont se planter, comme c'était mon cas. Quelle gentillesse ! C'est pas gentil. Mais tu t'es pas planté, non. Elle était, l'émission-là, je trouvais que vous alliez bien ensemble, toutes les deux. C'était une invitée qui t'allait bien. Bah, c'est une invitée que j'avais déjà rencontrée quand j'étais en service civique, quand j'ai couvert le Fantasticar, hein, je rappelle, Festival International du film Fantastique à Gérardmer. Je l'avais rencontrée, elle, avec aussi Pef Friant, alias Visite Interdite, que j'ai reçue le 1er mars. Sandrine, c'était le 12 février, c'était pour la toute première Heure des Loups. C'est dommage que j'ai pas, parce que je vais pas m'amuser à vous faire du montage maintenant, alors que je suis en direct, c'est pas le bon moment. Mais oui, dans tous les cas, j'en menais pas large du tout. On était aussi stressés l'une que l'autre. Je me souviens aussi pour la fin, parce que vous entendrez à nouveau et pour la dernière fois la programmation de la soirée et du week-end venant de moi. Mais c'est vrai que cette fois-là, j'étais vraiment stressée. C'était catastrophique. Du moins, je me suis pas réécoutée depuis, mais je pense que j'ai fait des progrès. Tu peux nous dire deux mots sur Sandrine ? Est-ce que tu es d'accord sur le fait que ben, c'est quelqu'un qui allait bien avec ta personnalité, avec, notamment par rapport au goût, etc., et le côté artistique aussi ? Eh bien, oui et non. Alors, dans la mesure où, oui, en effet, c'est quelqu'un de très créatif, elle fait de très, très beaux bijoux et même de très belles décorations. J'en profite juste pour dire, hein, n'hésitez pas à faire un tour sur sa page Facebook Sans Scholar Time. Alors, oui, je disais oui parce que au niveau artistique, hein, très créatif, très émotionnelle aussi. Après, elle est beaucoup plus d'un style gothique, beaucoup plus dark que moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est vrai que j'ai tendance à me balader en pleine ville avec des mitaines et des bonnets chats, ce qui se fait peut-être pas trop pour une jeune femme de mon âge. Hein. Je pense, oh, j'ai pas peur de le dire. Voilà, j'ai 25 ans, mais je me balade encore avec. Ou j'ai même, on m'a offert pour mon anniversaire un sac à dos rose en imitation fourrure en polyester ou je sais pas quoi, un sac à dos avec des oreilles de lapin. Et je me balade avec ça, tranquille. Le chat et le lapin. Exact. Ah bah oui, tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai un chat, j'ai un lapin aussi, donc voilà, ça se recoupe un petit peu. Mais je pense aussi que ma personnalité aussi avec le temps a beaucoup transparu, si c'est la bonne conjugaison, à travers mes émissions. Les auditeurs doivent, je pense, en savoir beaucoup sur moi maintenant. Je pense que, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Est-ce que Cosmos, Joachim, notamment, vous avez des choses sur Lou que vous avez pu entendre dans des émissions ou dans celles que vous avez participées? Ce que j'ai entendu, c'est que du positif. On trouve un max de positif chez Lou. Hein. J'ai rien à reprocher à Lou. D'ailleurs, j'attendais à la fin pour dire ça, mais bon, je vais te le dire. Je suis venu pour te remercier parce que t'es la première personne de la radio à m'avoir invité, à m'avoir dit viens à l'antenne. Moi, je te dis, la première fois, j'avais vraiment la trouille. Je sais pas si t'avais vu, j'étais un peu stressé. Oui, t'étais très stressé. Et tu m'as rassuré, tu m'as bien parlé. Et depuis que je suis venu à Radio Guémozo, il y a plein de trucs qui s'est ouvert à moi. Il y a des gens qui m'ont connu grâce à toi. Je ne peux pas te formuler le mot merci. Je suis venu ce soir pour te dire merci parce que je pense que sans toi, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Voilà. Ça me fait tellement plaisir. Tu ne peux pas savoir à quel point. Ben, moi, je suis un peu triste que tu quittes la radio. Je suis un peu triste, j'avoue. C'est pas, je veux dire, comme on disait aussi, c'est la suite du parcours, et c'est ça qui est intéressant, cette évolution. On parlait de l'évolution à la radio par rapport à la voix, l'assurance, etc., mais là aussi, dans le parcours, c'est une nouvelle expérience, et puis ça serait bien, Lou, que tu nous expliques, puisque peut-être que certains auditeurs, et aussi autour de cette table, ne savent pas ce qu'est Remiremont Info, où tu vas prochainement travailler. Oui, bon, c'est un petit peu le bond vers l'inconnu, mais Remiremont Info, c'est un journal sur Internet qui regroupe, alors... Ça fait partie en fait d'un grand groupe qui s'appelle Vosges Info, ça couvre toutes les Vosges si je ne me trompe pas. Il y en a un pour Gérardmer, il y en a un pour Épinal, il y en a un pour La Plaine, il y en a un pour le canton de Remiremont et voilà, j'ai tapé ma table, évitons de me faire mal quand même à la veille ou même à l'approche de mon départ. Ce Remiremont Info alors prend les cantons, alors toute la vallée Moselle, Moselotte, Remiremont et le Val d'Ajol, si je me trompe pas. Je crois que je vais aussi aller vers Plombières, alors je couvrirai peut-être l'Hérauticard. Mais voilà, et d'ailleurs je peux dire qu'on sera deux même, moi je serai à la modération du site et je serai aussi beaucoup sur le terrain, et j'aurai une correspondante locale aussi qui va collaborer avec moi, mais dans tous les cas voilà, c'est pas un au revoir parce que je continuerai à te suivre, mais simplement sur un autre support. Et tu pourras suivre Lou sur internet. Ah bah oui, hein, je te suivrai, hein, parce que t'es la première personne à m'avoir mis à la radio. Oui, ah, ça fait. Oui, c'est vrai que je t'ai reçu. Même quand t'es venu. Alors quand t'es venu la première émission, je crois que c'était au mois de juin, c'était avec Mika en plus. Bah t'étais déjà stressée. Quand t'es venu ensuite pour la journée porte ouverte, t'étais encore stressée, t'en menais pas large. Mais tu vois, au bout d'un moment, on y prend goût, on prend en assurance. Et puis d'ailleurs, je pense avec le temps devenu un véritable moulin à paroles, n'est-ce pas, Marcus? En général, on y prend goût à la radio. Il y a pas de problème. Ouais. Ben ça, oui, hein. Et puis je pense que tu vas pas me démentir, ce qu'on aime ici, c'est donner la parole aux gens. Oui, c'est pas mon motto à moi, il faut le dire, c'est le motto de Radio Gémozo, parce qu'il y a des animateurs qui l'ont fait avant moi, il y a toi, il y a Cathy, il y a Lia, il y avait Geoffrey, il y avait Yaya, dont j'ai un petit peu entendu parler, si je me trompe pas, et il y en aura après moi, hein. La vie continue, la vie ne s'arrête pas, comme je le disais, ce n'est qu'un au revoir, c'est pas un adieu, je serai toujours dans le coin, je participerai encore à des badéos, surtout s'il s'agit de sujets féministes ou de sujets pour la protection animale, parce que oui, je pense que s'il y a une chose dont les auditeurs sont sûrs et certains, c'est que je suis une végétarienne convaincue. Et c'était ça l'élément que je voulais faire dire à Cosmos ou à Joachim ou dans ce kit représente. C'est notamment ça, parce que tu avais la question habituelle lors des festivals, c'est l'alimentation alternative, et je trouvais ça toujours, ça a pu servir à beaucoup, certainement, de savoir s'il y avait, au niveau de l'alimentation sur des festivals, ce qui pouvait leur convenir. Bah oui, c'est ça, c'est parce que je le dis, comme ça les auditeurs maintenant comprendront pourquoi je pose la question, c'était pas que pour ma pomme, mais je me suis rendu compte que en ayant un régime alimentaire différent, parfois on pouvait peut-être ne pas être pris en compte, et je voulais savoir en fait si oui ou non, parce que c'est vrai qu'il y a des événements, il y a des restaurants aussi, on n'est pas trop pris en compte, on n'a pas forcément je parle en tant que végétarienne, hein, je parle pas en tant que végane parce que je suis pas je suis encore en cheminement, on verra avec le temps, mais je suis très renseignée sur le sujet et j'ai une mentalité, alors on peut dire de végane bouddhiste, je pense, parce que je suis très ouverte d'esprit et je fais ce que je peux dans ma mesure, mais bon, on va pas parler que de ça, mais c'est vrai qu'on disait ma personnalité, mes goûts, mes convictions aussi. Je pense que ça c'est ici, je suis ultra fan hardcore d'électro. Ça aussi, ça se sait. Je ne sais pas ce qui a fini par transparaître aussi avec le temps. Bon, Marcus, je ne sais pas si tu es très objectif parce que tu me connais très bien aussi. Oui, on n'est pas d'accord sur les goûts musicaux. Mais... Non, ça c'est vrai. Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la radio. C'est pas parce que, ou même la beauté de l'humanité, c'est pas parce qu'on a les mêmes goûts qu'on ne s'entend pas pour autant. Exactement. Bien sûr. Je trouve très triste certaines chaînes de radio où on n'entend qu'un seul type de musique, ça devient même rasant. En effet, ça aussi c'est quelque chose qui est propre à Radio Gémozo, c'est pas propre à moi, je le rappelle aussi. La diversité musicale, la diversité culturelle, c'est là où j'ai été formée, donc il y a aussi une partie de ma personnalité. Je suis arrivée ici, j'avais quel âge ? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans, je viens d'en avoir 25, donc forcément j'ai continué mon apprentissage de jeune femme adulte ici, et j'ai aussi appris à me forger, j'ai aussi appris à m'affirmer, je pense, en tant que femme, et même si j'ai peut-être pas encore fini, je crois que j'ai fait un bon bout de chemin ici. Mais bien sûr, on l'a vu encore une fois, pour ceux qui ont pu suivre tes chroniques, où ça transparaît. Ça transparaît beaucoup, en effet, avec cette histoire d'amour et le fait que l'importance aussi, je ne sais pas ce qu'il en est trop des autres médias, mais l'importance d'être naturel, d'être soi. Du moins, moi, c'était vraiment ça. Je ne voulais pas être quelqu'un de carré, de fermé, de parfait. Même si j'étais très, très, très à cheval, où je le suis toujours sur l'orthographe et la grammaire. Et d'ailleurs, tiens, Marcus, tu t'en souviens peut-être pas, on avait reçu une classe, mais je ne sais même plus il y a combien de temps. Et il y a un jeune qui a sorti deux belles perles que j'ai gardées rien que pour vous. C'est dommage, j'ai gardé que les perles. Mais on s'écoute ça parce que je me suis tapé des barres dessus un nombre incalculable de fois. Ça dure quelques secondes et on se retrouve juste après. Mais il faut quand même une voix spéciale ou autre pour parler dans un micro tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par une voix spéciale en fait ? Des erreurs d'orthographe du langage ou... Quel est le genre de diffusion que vous diffusez tous les jours sur la radio? Voilà, le genre de diffusion qu'on diffuse, ça s'appelle un pléonasme. Et je rassure toutes les personnes qui ont des problèmes d'orthographe. Non, les fautes d'orthographe ne s'entendent pas à la voix. Ouais, ça dépend des liaisons. Moi, je sais que des fois, j'en ai fait des pas mal, des liaisons qui n'existent pas. J'en ai inventé. Ça peut être... une faute d'orthographe du langage. Mais il y a aussi des chanteurs, je ne sais plus qui c'était, un chanteur qu'on a reçu en plus très récemment, qui a fait une liaison qui normalement ne fait pas, et elle figurait dans mais... son... je ne suis pas sûre, c'était pas du El Palma Pop. Non, j'ai un doute. Non. Ça y est, moi aussi, ça... T'imagines si toi, à 25 ans, tu as un trou de mémoire, moi, à 43... En effet, hein. Non, mais c'était marrant. Et d'ailleurs, moi, j'avais redonné l'exemple, puisque Alain Bachoum... C'était pas Leïla Ouassi, là. Peut-être que c'est Leïla Huissou. Oui, il a raison. Il est plus âgé que nous, et c'est lui qui se rappelle. En fait, je me demandais, je croyais que c'était un homme, alors j'étais en train de faire le brainstorming dans tout ce qui est un chromosome XY. Et on avait redonné l'exemple à l'époque d'Alain Bachoum, qui est aussi dans une chanson qui s'appelle « Tu vas me manquer ». Ou non, je vais te manquer plutôt, sur l'album Bleu Pétrole, sorti il y a 10 ans, où il dit « je courirai moins ». Et il avait gardé cette faute d'orthographe, c'était Gaëtan Roussel, l'auteur de la chanson, il l'avait gardé parce qu'il trouvait que ça allait bien. Bah oui, ça donne un certain charme, ça attire l'attention. Dans tous les cas, comme tu l'as dit, j'espère que je vous manquerai pas trop. Mais bon, dans tous les cas, je serai, comme je le disais, pas trop loin. C'est vrai qu'on n'a pas, on a pas eu le temps de trop s'attarder sur tout ce que j'ai fait, mais je crois dans tous les cas, oui, j'ai passé tous les extraits que j'ai amenés. Comme ça, vous avez un petit peu la sélection des choses que je vous ai trouvées. Et je ne sais pas s'il y a des choses sur lesquelles il fallait qu'on revienne ou pas spécialement. Hein, Mika, surtout, toi, tu me connais aussi extrêmement bien. On a passé beaucoup de temps ensemble et c'est toi qui m'as formé ici. Enfin, il y a Marcus qui m'a beaucoup formé pour la technique. Pour la technique. Et l'aspect humain, radiophonique, journalistique, c'est toi qui m'as beaucoup formé. Oui, puis comme on disait, c'était plutôt marrant de te suivre dès le début en tant que participante à l'émission. Et le portrait à l'époque, et puis de te voir évoluer ainsi, de chronique en émission, et puis aussi ce qui nous plaît ici, hein, j'en reviens globalement, c'est les gens comme toi, Cosmos, qui nous sont fidèles, et nous sommes aussi fidèles envers vous, c'est-à-dire que vous arrivez ici en tout début de parcours, et on vous suit tout au long. Et c'est beau là également, tout comme pour toi Lou en tant qu'animatrice, de voir le chemin parcouru, de voir la transformation et voilà la beauté de toute façon de la vie, c'est cette évolution de chacun et c'est ça. Et quand on peut suivre presque, j'allais dire au jour le jour, j'exagère, hein, mais les différents artistes ou autres personnes qui viennent ici, c'est vraiment pour les auditeurs fidèles, ils peuvent suivre tous ces gens-là et je trouve ça chouette. En effet, et toi aussi tu en avais, hein, en 12 ans tu en as rencontré du monde, tu as suivi, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas... Non, il y a un cycliste qui est venu alors que tu voulais Julien Salon. Ah oui, je suis fier, là... C'est Alaphilippe, là je vais me la péter un peu, oh, voilà. Julien Alaphilippe, vous l'avez suivi lors du Tour de France, vous avez vu ses performances, vous avez vu lorsqu'il a fini quatrième aux Jeux Olympiques, vous allez encore le suivre parce que ce petit gars va continuer à performer, hein. Le meilleur cycliste sur route français à l'heure actuelle, on peut le dire. Oui. Et c'est vrai que, pour l'anecdote, bon, je l'avais raconté, je crois que c'était au mois de mai quand j'étais passé dans l'heure des loups en invité. J'avais trouvé ça excellent parce qu'il était venu lors du cyclocross stéphanois et moi j'attendais à l'époque, donc cyclocross stéphanois, hein, organisé par l'ECS, l'espoir cycliste stéphanois, et Chenel, Steve était là bien évidemment comme à chaque fois quand je parlais de fidélité, c'est le cas aussi dans les deux sens pour lui, et il y avait toute une équipe, il y avait différents coureurs, et moi à l'époque j'attendais John Gadret, qui est un coureur référence, hein, qui a fini quatrième au Giro, le Tour d'Italie, et je crois même qu'au final il a fini troisième, parce qu'Armstrong qui avait gagné avait été déchu de son titre, donc sur le podium du Tour d'Italie, il a fait d'autres performances, qui est John Gadret aussi un cyclocrossman à la base, et Julien Philippe aussi, c'est que maintenant vous le connaissez en tant que coureur cycliste sur route, mais il était d'abord cyclocrossman. Et il est venu ici, dans le studio, et moi qui attendais John Gadret, et je ne connaissais pas, à l'époque il n'était pas connu, il courait pour l'armée de terre, j'étais déçu en fait, quand on m'a dit, moi j'attends John Gadret, je vois ce petit jeune, je dis, oui d'accord. Et quelques années après, là aussi on parle de cheminement, quand on voit ce qu'il devient, bah après tu te dis, ah oui, mais finalement je suis assez content d'avoir accueilli au tout début. Oui, parce que là ça te permet d'avoir quelques petites royalties. Et moi, t'ayant reçu au début, alors bon, je vais peut-être juste changer de support, mais j'espère que je pourrai te suivre aussi depuis Remiremont. Tu parles à Cosmos, là, parce que les gens voient pas que tu le regardes. Excuse-moi, c'est vrai. Là, j'ai complètement oublié, en effet, Cosmos. J'espère pouvoir continuer à te suivre depuis Remiremont. Bah, ça me fait plaisir que tu continues à me suivre. Et je continuerai à te suivre aussi hein, sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis fidèle à Radio Guémozo et je suis aussi fidèle à toi parce que sans toi, je ne serais jamais arrivé. Et moi, les personnes qui m'aident, ben, je les aide jusqu'au bout. Et moi, venir à la radio aussi, ça t'a permis un certain tremplin. Je me souviens, le 7 novembre de cette année, tu es venu faire une émission spéciale non au harcèlement. D'ailleurs, cette émission était extraordinaire. Il faut dire, je rends à César ce qui était à César. C'est Cosmos qui a tout fait. Il a fait un gros dossier. Après, il m'a tout envoyé. Oh, pardon, t'as quand même participé un petit peu. Hein. Bah, j'ai fait l'animation, j'ai un petit peu aiguillé, mais toutes les informations étaient de toi. Après, voilà, j'ai vu plus qu'à piocher, mais au moins là c'était une émission vraiment très documentée et ça t'a permis un certain tremplin vu que tu as des projets courants 2019 avec au moins un établissement scolaire, n'est-ce pas? Oui, et je t'en dis pas plus, mais en janvier peut-être qu'on me verra à la télé. Je t'en dis pas plus. Ah bah décidément, grâce à toi, on a vraiment hâte d'en savoir plus. Le moment venu, tu sauras où nous trouver. J'ai envie qu'on s'écoute une dernière pause musicale, vu qu'on a encore le temps, à moins que Mika, tu aies envie de rebondir sur les propos de Cosmos. Oui, parce qu'on parle de tristesse, effectivement une expérience qui se termine, une autre qui débute. Et tous ceux qui ont eu la chance de venir dans l'émission L'Heure des Loups, comme toi Cosmos et tous les autres, il n'y a pas à être triste parce que maintenant, ça va être, Lou va vous suivre doublement, puisque vous aurez la chance en plus... de ce support radio. Maintenant, ça sera support écrit sur internet avec remiremontinfo.fr. Donc, ça va être chouette de pouvoir continuer l'aventure avec elle sur ce nouveau support. Bah oui, moi, dès l'instant que ça peut aider à avancer, que ça aide Lou à avancer, moi, je suis là. Ouais, bah vous avancerez mutuellement. Oui, voilà. Main dans la main. On avancera mutuellement, on sera aussi fidèles à l'avancée l'un de l'autre. Et quand on parle de fidélité, c'est j'espère jusqu'au bout, à la vie, à la mort du groupe Duel, qu'on s'écoute tout de suite en dernière pause musicale et on se retrouve juste après. Toutes ces nuits de vis aux habits, ces clips, je te demande pardon à l'ombre des cons. Aventure, mon âme. la vie, à la mort du duo Duel. Vous êtes de retour pour cette toute dernière partie de l'heure des loups spéciale. Au revoir. Et oui, malheureusement, les choses ont une fin. On est toujours avec Cosmos, Mika, Joachim et Marcus qui est parti fumer rapidement. Et si vous voulez, comme d'habitude, réagir à l'émission, n'hésitez pas. Passez. L'émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, il y aura peut-être bientôt plus personne dans les locaux, à moins qu'on reste encore un moment papoter. Mais n'hésitez pas à passer par la page Facebook Radio Gemozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. D'ailleurs, oui, comme on l'a entendu plus tôt dans l'émission, là, j'ai plus aucun mal à dire le numéro de la radio. Je répète pour les auditeurs qui ont un petit peu loupé le cours de l'histoire, hein, je m'en vais, mais vous me retrouverez parce que je ne serai pas très loin. Comme je l'ai dit, je change de média, je vais toujours dans la presse, toujours dans le journalisme, mais cette fois à l'écrit, j'intègre Remiremont Info. Excellente nouvelle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je peux le dire, le Papa Noël est passé en avance pour moi avec un beau cadeau, une belle opportunité professionnelle. Félicitations. C'est très bien formulé. Merci vraiment, beaucoup. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient avec le temps, l'habileté de faire ces phrases, même si, il n'empêche, ça aussi, encore une fois, j'ai pas les extraits. Mais le nombre de fois, n'est-ce pas, Mika, où j'ai eu des trous en plein live. Ah oui, déjà, le pari donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais j'avais un gros toc du langage, je disais tout le temps donc. Il me semble que là, ça va mieux. Hein. Mais grâce à toi, la radio est riche maintenant, puisque à chaque fois, je t'avais demandé de mettre 1 euro dans la cagnotte et c'est bon. D'ailleurs, Marcus, hein, si tu le sais, hein, que maintenant, on peut, si tu as envie de partir en vacances cet été dans des îles, tu peux, grâce à Lou, avec ses dons et la cagnotte. Oh non, c'est méchant, ça. Si, on a remboursé le déficit de la radio. On peut partir en plus. Et voilà pourquoi je ne pourrais faire de cadeau à personne pour Noël. Vous comprendrez, vous m'excuserez. Non, je plaisante, mais j'ai quand même bien progressé avec ça. Et bon, après, ça fait partie des aléas du direct. J'en parlais avant que tu arrives, Marcus. Les moments où aussi, en pleine émission... Mais j'ai un trou. De toute façon, ce que tu dis là, je pense que tous ceux qui ont animé, et puis même au-delà de l'animation radio, hein, dans la vie de tous les jours, encore, on en revient au côté humain, oui, nous sommes. Sauf que je ne sais pas si tu connais beaucoup d'animateurs qui, en pleine émission, disent « j'ai un trou ». Moi, je le dis quand même assez texto. Hein. Moi, pour tout dire, ce que je fais, c'est que dans ces moments-là, je parle quand même. Même si à un moment, ça ne veut peut-être plus rien dire. Mais je parle, je meuble. Mais c'est une qualité aussi, ça. Mais dans tous les cas, hein, il ne fallait pas se laisser débiner parce que j'avais un trou, je le disais. Les invités étaient pris d'un fou rire, on partait sur autre chose et hop, j'arrivais à reprendre le cours de ma pensée, le cours des questions qu'il fallait je pose ou que je comptais poser parce que c'est vrai que j'ai un prompteur, mais je suis une grande pro de l'improvisation. Ça aussi, il faut le dire. Ça, je ne sais pas si c'est une qualité que tout le monde a. Ah ben non, ça c'est évident. Après, parce que ça ne se travaille pas. C'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent se travailler en animation. Déjà, on peut aussi parler de préparation, hein, puisque c'est bien joli de recevoir des gens ici. Mais en amont, faut aller gratter des informations, faut préparer ces questions. Même si effectivement, après, y a la curiosité. Et cette curiosité, certains l'ont, d'autres non. Et c'est ça qui va nourrir, qui va être la force de questions, et notamment des questions impromptues qui n'ont pas été écrites. Et puis la force, moi je trouve, hein, dans tes qualités par rapport à ça, il y a aussi l'empathie. L'empathie, ça va permettre également de pouvoir, vous le savez, se mettre à la place de l'autre, et du coup, de poser des questions dans ce sens. Et tu l'as aussi. Oui, c'est merci beaucoup. Hein. ça fait plaisir à entendre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui transparaît aussi beaucoup dans les retours que j'ai eus, parce que c'est vrai que vous n'avez pas tous les retours comme vous les avez à l'antenne. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est important de chercher à se perfectionner, de chercher à avancer. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai amené quelques citations, dont une que j'ai beaucoup aimée, qui dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » C'est Oscar Wilde qui a dit ça. Et voilà, c'est comme ça qu'en atterrissant dans une émission sans le savoir, ou sans trop y avoir réfléchi, on finit par évoluer. Enfin voilà, je pense que je peux un petit peu, c'est le quart d'heure, la seconde auto-promo. Je pense que je peux dire que j'ai quand même un beau parcours. être audacieux, oui. Hein, on en revient à ça. Je veux dire, si tu n'avais pas demandé en fin d'émission, en tant que participante, s'il y avait possibilité de proposer déjà, ben, que ça soit chronique littéraire ou après émission, ben, tu n'aurais pas eu ce parcours. Encore une fois, ben, à tous, on encourage tout le monde d'oser. Ben, poser les questions justement et d'aller, on en revient à provoquer la chance. En tout cas, quand on a des envies, il faut essayer de ne pas les restreindre. En effet, ne pas les restreindre, allez-y, foncez, hein, dans tous les cas. D'ailleurs, je lance l'appel comme ça, même si c'est un petit peu une bouteille à la mer. Si vous voulez essayer une expérience radiophonique, si vous avez envie de voir s'il y a un concept que vous pouvez créer, qui peut être intéressant ici, n'hésitez pas à venir, à proposer votre idée. C'est toujours avec plaisir qu'on vous ouvrira nos portes ou que vous allez ouvrir les portes, vu que maintenant, je vais changer de place. Mais dans tous les cas, voilà, les portes montent été ouvertes, alors je pense que je peux lancer aussi cette bouteille à la mer. Les portes vous sont ouvertes à tous et tout le monde peut aussi avoir un parcours comme le mien. Je suis quelqu'un comme tout le monde. J'ai pas des études plus extraordinaires que qui que ce soit. Je suis d'une famille modeste. Hein. On va pas sortir les violons, mais voilà. Je suis pas quelqu'un d'ultra extraordinaire, d'ultra exceptionnel et pourtant, je suis là. Bah, pour moi, t'es extraordinaire. On est tous extraordinaires, quelque part. Merci, ça fait plaisir, mais dans tous les cas, je voulais juste te dire que je ne suis pas plus extraordinaire que les autres. C'est juste que j'ai été à un endroit à un moment et que j'y suis allée. Je me suis jetée à l'eau, littéralement. Alors, si vous avez un projet, une envie, essayez. Je crois que le proverbe dit « la chance sourit aux audacieux ». Voilà, c'est ça. Comme tu le disais, oui, provoquer la chance, c'est ça qui fait. Et toi, Cosmos, ça t'a libéré d'écrire pour Tesla, mais c'est comme ça que tu as atterri dans ton parcours musical. Voilà. Exactement. Mika, je crois que tu es aussi pour travailler ici aussi. Tu t'es jeté à l'eau. Ben oui, ben je te dis par rapport à une expérience d'émission collective et puis après ben tu prends goût à ça comme l'expliquait aussi Marcus. Puis je pense qu'on peut s'adresser à Marcus pour continuer dans ce que tu évoquais, c'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent peuvent venir, Marcus, te rencontrer et puis te proposer différents projets. C'est très libre. Absolument, oui. Non, bah, le principe, c'est de venir déjà, puis on discute. Puis voilà. Qu'on parlait d'inviter d'émission, mais ça peut être cette possibilité, ça peut être aussi de carrément animer si vous en avez envie. Oui, parler de ce qui vous intéresse, passion, etc. Oui, il n'y a pas de problème. S'il y a un jeune artiste qui écoute là derrière le micro, eh ben, je peux dire que Radio Gémozo soutient à fond les artistes. Et c'est une aide précieuse, vraiment. Radio Gémozo, je pourrais jamais formuler le merci pour tout ce que vous m'aviez donné. Ça fait tellement plaisir d'avoir des artistes comme toi, oui. qui voient le travail qui est fait, c'est important. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que le travail qu'on a fourni a porté ses fruits. Un très beau travail, comme je le rappelle, Mika, c'est toi qui m'as formée. Donc c'est un petit peu le fruit de ton travail aussi que tu vois évoluer, s'envoler, sortir du nid, littéralement. Et ce qui m'a... Pardon, excuse-moi de te couper. Ce qui m'a fait énormément plaisir aussi, c'est quand tu as passé Souvenir Vivant, quand tu m'as présenté pour le projet du concert qui a lieu le 5 janvier. Les samedis musicaux, on n'a pas eu l'occasion de faire des jingles, je dis ça en live. Mais dans tous les cas, je rappelle aux auditeurs qu'on veut créer un rendez-vous mensuel. Oui, et je serai là avec Gomidas. Oui, pour le premier samedi musical. Gomidas, je rappelle, qui chante et qui peint en même temps. Toi qui fais des slams pour lutter contre le harcèlement. Je pense que je peux définir ça comme des slams, non? Oui, voilà, des slams. voilà, pour exorciser un petit peu tes démons, et t'en es là, t'as un beau parcours, t'en es encore aussi au début de ton parcours, mais t'as déjà une belle évolution jusque là et on espère rencontrer à chaque fois des artistes locaux comme toi qui ont des choses, des histoires à raconter, des personnages aussi qu'on a déjà reçus. On a déjà fait un petit listing, on est déjà en train de préparer l'édition du 2 février. Je pense que je peux déjà annoncer le concert à l'avance en espérant que ça se passe bien, mais bon, dans tous les cas, on est encore en train de se tâter. Marcus, tu avais quelque chose à dire ? Oui, non, donc parler un petit peu de cette nouveauté sur Radio Gémozo. Donc le premier samedi du mois, donc deux artistes en général ? On ne sait pas encore, on fait déjà deux, à voir, ça évolue peut-être plusieurs. Voilà, donc premier samedi du mois, à partir de 17h, c'est ça ? Oui, 17h, dans nos locaux, je te laisse continuer. Et donc, bah, évidemment, les auditeurs sont invités à passer s'ils en ont envie. Et puis voilà. Quoi. Et c'est bien de réserver. Je pense bien sûr que chacun peut venir s'il le souhaite le moment venu. En plus, c'est dans 2 semaines pile poil, hein, le samedi 5 janvier. Oui. Demain, on pourra dire. Je commence déjà les répètes. Hein. Ah, bah super. Et vous verrez, pour ceux qui sont déjà venus, hein, une fois que la grosse table invitée est virée dans le couloir, il y a la place pour que vous veniez et pour les artistes. N'est-ce pas ? C'est vrai ? Elle va. Non, on va la foutre là. Ah oui, on va la mettre debout. Oui, on va éviter de la sortir dans le couloir. C'était compliqué apparemment la dernière fois. J'ai dit apparemment parce que c'est bien, parce que j'avais proposé ça et puis c'est pas moi qui ai déménagé la table. Non, c'est pas vrai. C'est pas toi qui as bougé la table pour tes concerts. Eh oui, j'avoue, non, parce que j'étais pas là au moment où ça s'est fait. Mais shame on you, Mika. C'est important de mais prendre ça, à ici, bras le corps. C'est du travail d'équipe. Je veux dire, ils l'ont fait puisqu'ils étaient là au moment de pouvoir le faire. Et je les remercie. Mais dans tous les cas, compagnie. C'est Ismozor. Oui. C'était à l'époque les copains de Sismosaur qui avaient avec toi tiré la table. Avec révision de cours de géométrie. Ah ouais, ça passait pas la porte. Hein. Bah dans 2 semaines, pile poil, donc 17h, vous disiez avec Gomidas et Cosmos. Oui, émission qui sera rediffusée courant de la semaine prochaine. Je crois que ce sera lundi. J'ai déjà préparé les rediffusions, normalement, si tout va bien. J'ai déjà 2 rediffusions de prévues. Je ne sais pas si je vais en rediffuser d'autres. Alors bon, si je vous manque, vous pourrez écouter ma voix encore un petit peu. Vous pourrez aussi toujours la réécouter dans les podcasts ou peut-être que vous me croiserez en train de vadrouiller dans Remiremont et ses environs. Vous avez retenu hein, les repères. Est-ce que vous savez, autour de cette table, vous avez retenu les repères pour reconnaître Lou, même si on ne sait pas à quoi elle ressemble. Son sac à dos. Voilà, sac à dos. Oui, sac à dos. Son bonnet. Sac à dos lapin. Oui, c'est ça. Le bonnet. Chat. Oui. Et les moufles, non ? Oui, les mitaines. Oui, les mitaines en forme de chat. Bah, elles sont déjà apparues sur des photos à Radio Gémozo, donc ceux qui me verront avec ces mitaines sauront que c'est moi. Dans tous les cas, je sais que je passe pas spécialement inaperçu, mais bon, c'est pas grave, c'est beau d'être quelqu'un d'original, mais bon, après, tout le monde est unique, tout le monde est original, c'est bien de le préciser. Je sens qu'on va tout doucement devoir s'arrêter, à moins que Mika, tu aies encore envie de dire quelque chose. Hein. Moi, j'aimerais bien parler addictologie. Donc, on a un exemple, Mika, pour ne pas le citer, qui est tombé dans la potion magique, il ne s'en est jamais remis. Merci. Et donc, y en a qui passent par Radio Gémozo qu'on ne voit pas, ça c'est normal, ça fait partie du truc. Mais je pense que tu es un peu tombé dedans, je pense qu'on te reverra quand même. On l'espère, hein, dans tous les cas, Mika, toi aussi, tu es un personnage très apprécié de la radio. Enfin, je dis personnage parce qu'on est, en tant qu'animateur radio, on est aussi des personnages publics. C'est important de le préciser. Mais dans tous les cas, voilà, hein, on est une radio conviviale, on est une radio appréciée. On est une radio maintenant qui crée à nouveau une dynamique ou qui continue ses projets. Hein. On a encore beaucoup de projets sous le coude en espérant qu'ils évoluent et qu'ils arrivent à terme pour vous. En tout cas, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Ça nous fait plaisir. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire toutes ces émissions pour vous. 11 mois d'émissions. C'est vrai que je me suis arrêtée avant, vu que bon, la place à Remiremont Info n'attend pas. Mais dans tous les cas, je le disais, je ne pars pas très loin. Je ne pars pas pour toujours. Je reste dans le secteur. C'est juste que vous m'entendrez beaucoup moins souvent. Je suis un petit peu triste parce que, comme je le disais, c'est une véritable histoire d'amour pour moi. Entre voilà, bénévolat, service civique, re-bénévolat, puis ici, en tant que salarié. J'ai vraiment été très très heureuse d'être ici. Ah, faut pas que je me mette à pleurer maintenant, c'est plus le moment. Sinon, c'est partagé, hein, tu le sais, le oui. Président a pris la parole tout à l'heure, enfin, oui. on l'a tous dit, tu sais que, bah, encore une fois, ce qu'on disait aussi, c'est ça la force, bah, ici on crée du lien, et je pense que tout le monde peut comprendre que pour avancer individuellement, bah, c'est avancer ensemble, il n'y a que cette façon de fonctionner. Exactement, je suis d'accord avec toi, du moins... Ça te gêne pas si je te tutoie, Mika? Oh, bah quand même un petit peu, parce que tu sais, j'ai un âge assez avancé. Non, justement, ici... Je suis ici, d'accord avec vous, Mika. Non, ici, c'est ce qui nous plaît aussi. Enfin, on n'aime pas, enfin, j'allais dire, les chichis. En tout cas, je comprends aussi le côté politesse du vouvoiement. Mais d'ailleurs, Lou, on a un rituel... avant les émissions. Et oui, je demande systématiquement si je peux, enfin si les gens préfèrent que je les tutoie ou que je les vouvoie. Il y a très peu de personnes que j'ai vouvoyées. Il y a Amandine Bay du CIDFF. J'ai pas osé. Il y a quelques rares autres personnes que j'ai vouvoyées. Il y en a certains qui sont arrivés juste avant l'heure juste avant l'émission. Alors on a commencé en vouvoiement et pendant la pause musicale, on a fini en tutoiement. Je sais qu'il y a une émission très récente où on a commencé à vouvoyer et comme ça à l'antenne, j'ai dérapé, je dis bon ben je préfère le dire tout de suite, on se voit, on se tutoie, comme ça c'était fait, c'était clair. Encore une fois, très un petit peu comme si vous étiez avec nous en studio en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai animé. Et puis les gens se sentent forcément à l'aise, je pense, Cosmos. Du coup, vous donnez le meilleur de vous-même quand il n'y a plus d'inquiétude, ou en tout cas beaucoup moins, parce que la personne en face, vous voyez qu'elle est sympa et que c'est vraiment un bon enfant, convivial et sous forme d'échange plutôt que qu'interrogatoire de police. Oui, voilà, c'est exactement ça. On est détendu à Radio Guémozo, c'est pas un oral de bac. Parce que les euros de bac, ça m'a traumatisé, ça. Et pourtant, j'ai eu que des bonnes notes partout. Bah, merci Cosmos, ça c'est un concept d'émission. Faire des euros de bac. Ah ouais, tiens, pourquoi pas. Faire des euros à l'antenne directement, eh bien, on déposera le brevet pour l'éducation nationale. Peut-être oui, moyen d'avoir une ou deux subventions supplémentaires. Dans tous les cas, on est tous là, à un certain point de nos vies, on est tous là. On va encore évoluer si on se retrouve peut-être dans 1, 2, 5 ans. On n'en sera peut-être pas forcément au même point, on aura changé. Je pense tous autant que nous sommes. Et ça pourrait être marrant aussi de voir l'évolution. Mais je pense que, en tout cas, toi, Mika et Marcus, vous avez été contents de voir cette évolution. Parce que celle-là, vous avez été en première ligne pour cette évolution. Pour mes inquiétudes, mes questionnements, mes tristesses, mes colères aussi quand j'arrivais pas à faire quelque chose ou quand je comprenais pas ou même simplement mes états d'âme. Comme je le disais, on est tous des êtres humains, on est tous perfectibles et ça aussi, vous avez vu cette évolution. J'étais contente de partager ça avec vous, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Nous aussi, puis comme tu le disais, hein, l'aventure n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Eh ben oui. Tous ensemble. Avançons, continuons. Oui, je crois que c'est le moment de te dire bonne continuation. Oui. Voilà. Quoi. Donc, merci d'être passé à Radio Guémozo, ça nous a bien fait plaisir, un peu à toute l'équipe. Donc. Puis maintenant, on est sûr d'avoir de très bons articles sur remiremont.info.fr. Merci. C'est sûr. Voilà. C'est sûr, dans tous les cas, je ne le répéterai jamais assez. Merci à tout le monde, merci à Marion, merci à Cathy, merci à Cassandra, à Camille, à Lia, à Mika, à Marcus, bien entendu. Merci à vous deux qui êtes venus. Merci aussi à tous les autres, aux auditeurs, ça fait plaisir. Ça y est, je vais me mettre à pleurer. Mais c'est déjà le moment. C'est déjà le moment de se dire au revoir. Mais ce sont des larmes de joie plus que des larmes de tristesse, parce qu'on le disait, c'est pas la fin d'une aventure, au contraire, c'est le début pour moi, en espérant que je continue et que j'aille beaucoup plus loin dans la branche du journalisme, parce que c'est vraiment quelque chose qui me botte. Et qui te va bien. Je te souhaite que le meilleur pour la suite, parce que tu m'as vraiment aidé dans ma carrière artistique, dans mes débuts, et j'espère faire carrière longtemps. Et si un jour je pourrais te faire un gros big up sur de grosses antennes, je me gênerais pas. Oh, ça fait tellement plaisir. Par contre, il y a quelque chose qui va être le moment de faire pour la dernière fois. La programmation. Et oui, la programmation. Et écoutez bien la programmation de nous, parce que c'est quelque chose de très musical. Hein. On parlait de slam ou de rap. Tu vas voir, elle rappe la programmation. Vas-y, Lou. Si j'y arrive. En tout cas, on est vendredi, dès 21h, on aura Mosaïque avec François, puis musique jusqu'à demain matin, 7h, 8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Puis samedi, 8h30, Les Vosges samedi avec Hélène de RCN, 10h, Musette partie avec Cyril Renaud. Par contre, je pense qu'on rediffusera pas, comme c'est pas un billet de sortie, n'est-ce pas, Marcus ? Oui, c'est comme tu veux, on peut leur diffuser, il n'y a pas de problème. On verra. Allez, demain, dans tous toute les la journée, lors des loups. Comme ça, tout le monde se mettra à pleurer derrière le poste. Puis, toujours samedi, 21h, Rock à la Casbah. Et dimanche, dès minuit, rediffusion de Jukebox de jeudi. On en arrive à dimanche pour des 7h, la rediffusion de Musette partie avec Cyril Renaud. Puis 10h, Salut les 60 avec Gérard. 16h, J'ai aimé, je vous le lis, de Dominique. Cirque, puis 18h toujours dimanche, les années bonheur avec Gilou, et enfin pour clôturer le dimanche, Jazz Time de Radio Déclic avec une bonne playlist de jazz. Non, même pas, parce qu'ils ne nous l'ont pas envoyé. Ah bon, bah, c'est pas grave, pas de Jazz Time. Dans tous les cas, bon, on se retrouvera pas lundi de bonne humeur, cette fois pour changer. On se retrouvera ailleurs. Mais dans tous les cas, j'étais très heureuse d'avoir été là. C'était un très très beau tremplin pour moi, Radio Guémozo. On se retrouvera, je sais pas encore quand, je sais pas encore comment. Si, on se retrouvera le 10 janvier, jeudi 10 janvier à 20h pour des badéo spéciales sur le véganisme. Mais, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Dans tous les cas, j'en profite quand même à tous et même aux auditeurs de vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année aussi en avance, en espérant que vous aussi vous réalisiez dans vos projets, que vous arriviez à faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose aussi qui a transparu à travers mes émissions. Dans tous les cas, merci aussi pour tous vos retours, merci beaucoup pour tout votre amour, ça m'a aussi porté, ça m'a beaucoup aidé. Dans ce cas, je le dirai jamais assez, merci, merci, merci. Comme tu le disais, Cosmos, les mots me manquent pour dire à quel point je suis très reconnaissante et j'ai été très heureuse de passer par là. Merci Lou. Merci Lou. Merci. Joyeux Noël à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Et dans tous les cas, bonne soirée à tous et comme je le répète, ce n'est qu'un au revoir. Alors à très bientôt sur Remiremont Info. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.